Vendredi 27 septembre 2013, vous écoutez La vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver ici sur les ondes pour parler du 9e art. Et du 9e art en analyse cette semaine, en commentaire également et aussi en entrevue. On portera plusieurs regards sur différents axes de cette discipline, notamment ces personnages, les super-héros qui peuplent l'univers de la BD québécoise depuis déjà 40 ans. Un ouvrage vient d'être publié là-dessus du côté de Mémoire, un éditeur indépendant qui se consacre justement à la publication d'ouvrages d'analyse sur la BD et d'ouvrages documentaires sur la BD. C'est un premier ouvrage de cette nouvelle collection et on en discute avec son auteur, le chroniqueur BD Jean-Dominique Leduc. Également, on va jaser et on est un peu en mode rattrapage, c'est le cas généralement en automne. Alors, la liste des choses qui existent, autre nouvelle collection, cette fois-ci Pomelo, du côté de la pastèque en fait, des ouvrages faussement pratiques. Et cette fois-ci, c'est les auteurs Caton et Iris qui nous dressent la liste des choses qui existent. Alors, on va en jaser avec les deux auteurs. Sinon, des collaborateurs qui seront de passage. Mathieu Place, en fin d'émission, qui nous parle BD anglophone. Et également, les commentaires de Stéphane Gravel sur quelques sorties récentes. Alors, ça, c'est le menu pour l'émission de ce vendredi. Et sinon, dans l'actualité, eh ben, d'emblée, événement incontournable pour la scène BD de Québec, voire même du Québec, si on élargit un peu, puisqu'on parle quand même de diffusion, de vente et d'animation du milieu BD-esque. Alors, vous l'avez peut-être vu passer sur les différents réseaux sociaux au fil de la semaine dernière. Enfin, on l'a appris tout juste en sortant des ondes vendredi dernier. Alors, la librairie Phylactère qui a annoncé sa fermeture, ça a été relayé par l'Association des libraires du Québec, puis ensuite par les copropriétaires de l'établissement, Anne-Marie Olivier et Francis Prou. Alors, je vous lis brièvement en fait les commentaires qu'ils ont publiés sur la page Facebook de la librairie. Ils nous disent que ce fut donc un beau projet auquel ils ont mis toute leur passion envers la bande dessinée. Ils remercient évidemment les gens de les avoir suivis pendant ces 2 années et demie dans lesquelles la librairie a existé. Ils espèrent également nous avoir donné le goût de lire et de découvrir la bande dessinée. Eux ont eu beaucoup de plaisir à nous en parler et à nous conseiller. Alors, c'est donc ce qui amène la fin donc de cette aventure pour ces deux jeunes copropriétaires. Une librairie, si vous ne la connaissiez pas, qui était consacrée à 100% donc à la bande dessinée. Et d'ailleurs, en fait, l'Association des libraires du Québec en a profité pour signaler que justement, il y a plusieurs librairies indépendantes qui ferment année après année. En fait, le jour où à Québec on apprenait la fermeture de la librairie Phylactère, à Montréal, ils apprenaient la fermeture de la librairie Guérin. Alors, on nous dit de ce côté-là qu'il faut se rappeler que les librairies indépendantes sont des lieux de diffusion culturelle qu'il faut protéger. Elles couvrent tout le territoire québécois et assurent une richesse qui est menacée par un marché non réglementé. Les libraires permettent aux auteurs de naître et de grandir. La réglementation du prix des livres peut-être serait une solution. Peut-être qu'il y aurait d'autres types de solutions, appui et soutien pour les entreprises en démarrage. Bref, il y aura probablement en cours de route des bilans qui seront faits des différentes aventures, notamment celle de Phylactère. Peut-être que ces réflexions amèneront également à des modifications dans les appuis ou dans la gestion ou dans la promotion d'organismes spécialisés ou de librairies spécialisées. Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à surveiller, mais d'ici là, bien évidemment, pour avoir été client là, pour avoir collaboré également avec eux au fil d'activité, bien, j'en profite pour étendre mes salutations, mes remerciements à Anne-Marie Olivier et Francis Prou, les copropriétaires donc de Phylactère. Et le remercier, évidemment, du travail qu'ils ont fait pour animer, pour appuyer, pour promouvoir le milieu de la bande dessinée à Québec et au Québec. Et voilà, on a quelques problèmes de communication. Je cherchais à rejoindre Jean-Dominique Leduc, mais malheureusement, nous n'avons pas accompli cette tâche. Alors, on essaiera de voir si c'est possible de le rejoindre. Peut-être, commentaire, au passage, sortie récente, et notamment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, du côté des éditions Pow Pow, lancement d'ailleurs à Québec hier, jeudi, de ce titre, troisième tome de la série Glorieux printemps de Sophie Bédard. Et à chaque année, à chaque fois qu'un nouvel opus de cette série, j'ai toujours l'impression un peu de me répéter, un peu comme à chaque automne, donc les éditions Pow Pow nous offrent un nouveau tome de cette série. Et de mon côté, à chaque automne, je vous dis aussi que la série et le nouveau tome en vaut la peine. Alors, toujours comme ça, des petites occasions de redites. Alors, il faut dire, pour ceux qui connaissent pas l'univers de Bédard dans cette série, nous entraîne dans une histoire d'adolescence, une histoire de type roman feuilleton. Si je voulais faire un parallèle un peu boiteux, je dirais presque à mi-chemin entre Daria et Watatata, dans une certaine mesure. Donc, un univers qui est peuplé de personnages, un brin excentrique, et que j'ai apprécié tout particulièrement pour le côté naturel des dialogues qu'elle propose de tome en tome. Alors, c'est ce qui m'avait initialement attiré vers cet univers-là. Et ensuite, on découvre au fil des tomes la constance, en fait, je crois, dans l'écriture de ce côté-là, constance de qualité, évidemment. En fait, donc la série va pas de mal en pis, bien au contraire, j'aurais envie de dire de mieux en mieux. Mais parallèlement aussi, constance et logique à l'intérieur de l'écriture de ces personnages, donc les motivations qui sont toujours claires, le caractère de ces personnages-là qui restent fidèles à ce qu'on connaît d'eux. Évidemment, des fois, on aurait envie qu'il y ait évolution vers une direction X, Y ou Z, qu'il y ait une certaine progression vers certains angles, mais d'un côté, c'est peut-être dû aussi au fait qu'on espère certains éléments et pas nécessairement au fait, justement, qu'il y a une certaine standardisation, stabilité dans l'écriture de tout ça. Alors, il y a cet élément-là, mais reste que c'est bien écrit, les dialogues sont dynamiques, et si vous n'avez pas encore donné de chance à cette série-là et que vous aimez ce style d'histoire, ça peut être une chose fort valide à faire. Avec le tome 3, pour ceux qui étaient déjà dans les deux premiers tomes, d'abord, il est sorti, si vous ne le saviez pas, et deuxièmement, on poursuit dans ce tome-là, aux côtés des différents protagonistes, donc créés par Sophie Bédard. On est à la fin du secondaire, ou presque, photo de graduation, préparatif pour le cégep, on se pose des grandes questions, dans quel champ étudier, à quel moment devrait-on quitter la maison, et tout ça avec également l'amour au menu, des histoires qui sont amorcées dans les tomes précédents qui se poursuivent. Dans le troisième volume, certaines d'entre elles trouvent une certaine consécration, on va vers un premier baiser d'un couple, je vous dis pas lequel. On continue également dans la voie tranquille dans lesquelles d'autres histoires relationnelles s'étaient installées, car au cœur de ça, c'est les relations entre un groupe d'amis qui sont développées, qui sont mises de l'avant et qui servent de moteur aussi à l'histoire. Et donc un récit quotidien qui est à l'égal des deux premiers tomes, donc qui est toujours fort agréable, qui se lit facilement, et tout ça évidemment en attendant le prochain. Alors donc, nouveau tome de Glorieux printemps qui vient d'apparaître. Et sinon, j'avais envie aussi de faire un autre petit clin d'œil. Je dois avouer un ouvrage qui m'a agréablement surpris. C'est Temujin de Antoine Ozanam et Antoine Carion. Une histoire qui est à mi-chemin entre fantastique et réalisme, qui réussit à rendre intéressant et dynamique des rêves chamaniques. Ici, on parle donc de l'histoire de Temujin, un enfant qui naît et qui déjà est promis à un grand avenir, à devenir le prochain Genghis Khan, donc la prochaine personne qui réussira à unir le peuple mongol. Alors, on l'accompagne de sa naissance au fil de son adolescence, de son enfance, tout ça sous le tutelage d'un chaman, justement, qui a rêvé à ce destin fabuleux auquel l'enfant était promis. Et il donc le forme, l'accompagne, s'assure qu'il devienne un adulte à la hauteur des attentes que le destin a mis en lui, au fil des embûches, des rencontres, des tâches à accomplir. Et tout ça dans un contexte qui, d'emblée, pourrait sembler assez épisodique, et quand on y pense et quand on creuse, mais en lecture, ce côté épisodique-là ne se sent pas trop. Alors ça sort bien, ça passe bien. On coule bien donc d'un moment à l'autre, on coule bien également d'un épisode à l'autre, d'un monde à l'autre, puisqu'on parlait de fantastique, il y a le monde des esprits aussi qui vient mettre son nez là-dedans. Alors ça donne un récit qui est certes surprenant, mais efficace également. Alors voilà, si jamais vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, c'est pas un incontournable, on s'entend, mais ça reste un album qui est très réussi, donc c'est Temujin de Ozanam et Carrion. Et voilà, petit extrait à saveur 8 bits, comme c'est notre habitude ici à La Vie en BD. Cette semaine, d'ailleurs, les pièces seront consacrées avec un album d'interprétation 8 bits de musique punk, parce que pourquoi pas? Et maintenant, au bout du fil, on a le plaisir d'être en compagnie du chroniqueur BD et auteur Jean-Dominique Leduc. Bonjour! Bonjour! Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'une publication toute récente, en fait consacrée à 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise. Ça s'appelle Demi-Dieu et c'est chez Mémoire. Et peut-être, en fait, on le mentionne d'emblée, une nouvelle collection Mémoire dans laquelle vous souhaitez appuyer la diffusion d'ouvrages de référence sur la bande dessinée québécoise. Question de pallier un peu un manque de ce côté-là? Ben oui, effectivement. Moi, je suis un fan fini de la bande dessinée québécoise. Je pense que depuis 2 ans à l'emploi du journal à Montréal, en tout cas, je pense que je l'ai démontré. Bon, évidemment, c'est très, très difficile de mettre la main sur des ouvrages de référence consacrés à la bande dessinée québécoise. Il faut savoir que depuis les 40 dernières années, il y en a eu sporadiquement. Le problème, c'est qu'ils ont été tirés à peu d'exemplaires et qu'ils sont pratiquement maintenant introuvables. Sinon par peut-être le réseau des librairies usagées. Mais autrement, c'est très, très difficile de les trouver. Et moi, c'est une façon, c'est en fait une lettre d'amour au genre. Et je trouve que c'est important, surtout avec tout ce qui se passe présentement dans le milieu du 9e art québécois, avec ce fort bouillonnement, je trouvais que c'était très, très important qu'on ait accès à des ouvrages. Et dans une espèce de folie, je me suis dit, tiens, je vais lancer une espèce de collection qui s'appelle Mémoire. Et j'inviterai des amis, j'inviterai des collègues, j'inviterai des gens à réfléchir sur la bande dessinée québécoise, à en parler. Mais bref, je trouvais que l'opportunité était là et je me suis donc lancé. Et je peux déjà vous annoncer en grande, grande primeur que le prochain ouvrage chez Mémoire sera un ouvrage de Michel Viau. Ce sera en fait les écrits qu'on reprendra de ses chroniques qu'il écrivait dans le fanzine mensuel et qui retrace l'histoire de la bande dessinée québécoise. Donc, il y aura un premier volume de Michel Viau qui couvrira de 1900 à 1999. Et ça, en principe, on devrait avoir ça en papier pour le prochain Festival de BD de Québec. Excellente nouvelle. Et, et d'ici l'apparition, justement, de cet ouvrage qui nous fait justement une histoire, qui va nous faire une histoire sur 100 ans de bande dessinée, j'ai presque envie de dire qu'avec Demi-Dieu, de votre côté, vous nous faites un 40 ans d'histoire, un peu dans la mesure où, justement, je me disais, si on faisait l'histoire de la bande dessinée québécoise, ça prendrait beaucoup de pages et beaucoup de temps. Mais en se cantant et en s'intéressant à un aspect de cette BD-là, on découvre quand même en filigrane l'évolution des styles, des genres, des perspectives. Et donc, à travers le fil des super-héros, c'est un peu l'histoire de la BD québécoise qu'on propose aussi. Ben voilà, vous m'avez démasqué, cher Raymond, parce qu'en fait, je me suis dit d'emblée, il faut que j'aborde le sujet d'un angle. Parce qu'effectivement, pour moi, un ouvrage consacré sur l'histoire de la bande dessinée québécoise en bas de 1000 pages, à mon humble avis, c'est pas jouable. Et pour un premier livre auto-édité, ça me tentait pas de me lancer là-dedans, surtout que je n'ai ni le temps ni les ressources nécessaires. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aborder un genre qui est méconnu, mais qui, en même temps, est très, très représentatif de la diversité, de la richesse de notre bande dessinée à nous. Et donc, là, j'ai entamé des recherches et Dieu sait que j'en ai énormément découvert moi-même. Et donc, c'est l'espèce de pari que je m'étais donné, mais aussi, et ça, c'est une chose qui est très, très importante pour moi, de parler d'auteurs québécois, mais anglophones. Parce qu'on n'en parle pas souvent, je considère, des Bernie Miro, on n'en parle pas souvent des Gabriel Morissette. Et pourtant, ces auteurs-là, on voit au chapitre au même titre qu'un Michel Rabagliati ou un Jimmy Beaulieu. Donc, je trouvais aussi important de me braquer les projecteurs sur ces auteurs-là que j'estime beaucoup et dont on connaît moins ici du côté, même à Montréal. Je veux dire, la scène montréalaise, la bande dessinée francophone et anglophone, le muret est très, très étanche. Hein? Oui. Les bases communicantes sont pratiquement inexistantes. Mais ça, on dirait que, par exemple, un gars comme Yannick Paquette, qui est super connu pour son travail chez Marvel, chez DC, ben, du côté BD francophone, on dirait que si on n'est pas dans la scène comics, ben, on ne connaît pas l'existence nécessairement de travail de gens comme lui actuellement. Là. Et c'est oui, un exemple c'est parmi dommage, d'autres. Parce que, par exemple, vous parlez de Yannick Paquette, on peut parler aussi de Michel Lacombe, de Yannick Champoux. Ces gars-là ont une œuvre considérable derrière eux. Ce sont des gens d'un énorme talent. Et quand on, par exemple, dans mon livre, dans la section des années 90, je parle d'une série qui s'appelle The Mercs, qui était une parodie de super-héros fait par Yannick Paquette, donc en fait ce triumvirat-là dont je viens de nommer. Et cette série-là a connu seulement deux petits numéros Ashcan. Et pourtant, je vous le dis, vraiment, quand on tombe là-dedans, c'est formidable. J'ai ri, mais vraiment à gorge déployée. Et déjà à cette époque-là, ils étaient jeunes, ils étaient fougueux et ils étaient promis à un bel avenir. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas accès à ça, que les gens ne connaissent pas cette production-là. Mmh. Et ce livre-là m'aura permis, en tout cas à moi, de me faire plaisir, première des choses. Et puis, ben, si ça peut permettre aux lecteurs d'en découvrir davantage, ben là, je suis très choyé. Mon travail est fait. Et en même temps, c'est intéressant de voir aussi des personnages emblématiques et de prendre le pouls de la réelle production qui accompagne ces personnages-là. C'est sûr, un gars comme Red Ketchup, un personnage comme Red Ketchup, ben, il y a beaucoup d'albums, il y a quand même une production qui est sur la durée, mais inversement, un personnage comme Capitaine Québec, je crois que c'est quoi, à peu près 35 planches? C'est 35 planches. En fait, c'est 36 si on compte une planche qu'on n'a pratiquement jamais vue au Québec, qui est une planche complète de Pierre Fournier, qui présente différents personnages. Une planche qui a été publiée dans un encart du journal Tintin en 76, un encart, un spécial sur la bande dessinée québécoise à l'époque des Olympiques. Et donc, cet encart-là, ici au Québec, on ne l'a pas reçu, étant donné qu'ils ont coupé au niveau du poids pour l'envoi des magazines. Et donc, très, très peu de gens ont vu cet encart-là, qui est extraordinaire, et juste la planche de Pierre Fournier, ben c'est une planche où on voit Capitaine Québec dans une case et très, très peu de gens l'ont vu. Donc, effectivement, Capitaine Québec, personnage iconique et pourtant qui a connu deux courts récits et c'est tout. Mmh. Et je peux vous dire que je talonne sans relâche Pierre Fournier afin de reprendre du collier. Et ma foi, je suis sur le bon chemin, je vous dirais. On croise les doigts. Alors peut-être qu'on verra dans quelques années une réincarnation du Capitaine Québec, parce que c'est un personnage qui, au-delà de son statut iconique, a énormément de potentiel. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un personnage intemporel. Et c'est donc le personnage, en fait, acquiert ses super pouvoirs de par le costume. Alors, dès qu'il y a une passation de costume, eh ben, l'identité du Capitaine Québec est renouvelée. Donc, imaginez. Donc, dire qu'on pourrait en faire et en faire et en faire des récits du Capitaine Québec. Et sûrement de meilleure qualité que certains trucs avec des lanternes vertes au cinéma, du moins. Et Jean-Dominique Leduc, autre constat la lecture du livre, deux constats, en fait, que j'ai envie que vous partagez, peut-être vous entendre un peu là-dessus. Premier élément, j'ai l'impression que le super-héros au Québec est beaucoup passé par la parodie. Oui. Je sais pas trop pourquoi, mais on dirait que quand on crée un super-héros, faut en rire ou faut qu'il soit drôle, sinon, je sais pas, on est gêné ou... Ben, en fait, j'amorce une réflexion dans le livre, j'ouvre une porte. Bon, évidemment, je suis pas un sémiologue, je suis pas un spécialiste, je suis un lecteur de longue date et c'est tout. Mais pour moi, il m'apparaît clair que le super-héros est un concept typiquement américain. C'est-à-dire que les Américains, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, répondaient à cette espèce de littérature-là parce que pour eux, ça représentait énormément de leurs valeurs, de leur patriotisme, ce qui n'est pas le cas au Québec. Et de toute façon, au Québec, on est une société qui se plaît à rire d'elle-même. Mmh. Et on n'a qu'à ouvrir la télé, qu'à aller au théâtre, qu'à aller que voir notre cinéma. On est un peuple capable de beaucoup d'autodérision, peut-être moins ces temps-ci, je dirais, au niveau de l'actualité, mais bref. Et donc, nécessairement, je dirais que plus de 85% de la production de ce genre-là au Québec passe par par le spectre de l'humour, de la satire, ou en tout cas d'un certain regard critique ou d'un recul. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde dans les années 70, avant le premier référendum, c'était vraiment de la satire de super-héros. Et donc, on servait un peu un prétexte identitaire, le fait du Québec. Donc, et quand on est arrivé dans les années 80, là, tout d'un coup, après la défaite référendaire, disons que le nationalisme en a pris pour son rhume pour quelques années. Et c'est ce qui a donné lieu à d'autres types de super-héros. Notamment, je pense à Northgard de Mark Chanbloom et de Gabriel Morissette, qui, dans les années 80, était comme une espèce de super capitaine du Canada. Ça avait beau se passer à Montréal, mais tout d'un coup, on faisait plus vraiment allusion au Québec ni au Canada. On était vraiment plus dans le genre. Et donc, c'est comme ça que je m'explique. Mais ce qui sera intéressant de regarder, c'est que toute la nouvelle génération d'auteurs qui ont grandi avec les dessins animés de Marvel et de DC, qui ont vu les productions cinématographiques. Alors peut-être que dans quelques années, oseront faire du super-héros. Oui, parce qu'on le voit tranquillement. Ce qui s'approche le plus du genre, c'est Heroes of the North, la web-série et comic book. C'est pour moi ce qui se rapproche le plus du mainstream américain. Mais sinon, c'est vrai qu'on est confiné à un genre beaucoup plus humoristique. Et parallèlement, l'autre élément que je trouvais intéressant et qu'on réalise aussi avec l'inventaire que vous proposez dans Demi-Dieu, c'est à quel point il y a un nombre quand même assez important d'auteurs BD qui sont intéressés aux super-héros et des gens qui exploitent un style graphique qui est habituellement aux antipodes que ce qu'on pourrait imaginer dans ce style-là. Donc, il y a cette richesse-là quand même qui est assez intéressante, qui est peut-être due au fait aussi qu'on s'y est pas beaucoup intéressé, justement, à ce genre-là. En fait, c'était ça aussi le prétexte. C'est que dans mes recherches, quand on tombe sur un David Turgeon ou un Jimmy Beaulieu qui parle du genre, alors puis là, tout d'un coup, on se dit « Ah, mais ça, c'est intéressant, parce que c'est une relecture, c'est une réinterprétation qu'ils abordent avec leur sensibilité, avec leur humour, avec leur recul aussi, avec leur regard critique. » Et c'est ce qui fait que, pour moi, le genre super-héros au Québec nécessairement présente plusieurs artistes. Parce qu'il n'y a pas, contrairement aux Américains, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de série qui ont su perdurer 30-40 ans, comme c'est le cas des Fantastic Four ou de Hulk ou des Avengers et tout ça. Donc, c'est vraiment un genre que les auteurs visitent sporadiquement ou alors sur une longue durée, mais une fois, une chose à la fois. Donc, et moi, je trouvais ça très, très intéressant, en fait, aussi, de parler de gars comme David Turgeon, comme Jimmy Beaulieu, comme Luc Chiard aussi, ou même comme Henriette Valium. Ce sont pas des gens qu'on associe naturellement à ce genre-là. Et pourtant, ils en ont tenté. Et je trouvais ça très, très intéressant de mettre ça en lumière. Alors, on découvre tout ça, cet inventaire, donc dans Demi-Dieu, 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise, c'est chez Mémoire. Jean-Dominique Leduc, merci. Et évidemment, merci on continue beaucoup, de vous lire dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, pardon. On l'a pas à Québec, je pense. Il paraît que mes articles sont à l'occasion repris à Québec. Je ne saurais trop. Est-ce une rumeur? Je ne sais pas. Dossier à suivre. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de mon livre. C'est très, très apprécié. Ça me fait plaisir et on se dit à la prochaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'était Jean-Dominique Leduc. Et toujours à la vie en BD, on a le plaisir de recevoir pour une petite visite éclair parce qu'on est coincé dans le temps cette semaine, mais on aura l'occasion d'y reparler au fil de l'automne pour entendre ses commentaires sur les parutions récentes. Stéphane Gravel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi aussi. Ben, très bien également. Et Stéphane, en fait, j'ai quelques titres de ton côté. Je ne sais pas s'il y en a un dont tu as particulièrement envie de prendre quelques minutes pour nous parler. Bien sûr. Je vais parler du troisième titre, comme si j'avais déjà parlé des deux premiers pendant que toi, tu faisais ton intervention avec sur le livre, sur la BD. Mm-hmm. Et on va parler de Décalage. Pourquoi je m'amuse comme ça? Parce que Décalage est une BD de Marc-Antoine Mathieu dans lequel il y a un sérieux, mais sérieux problème de temps aussi. C'est-à-dire que tout est en retard, rien n'arrive à temps. On prend de l'avance parfois, on prend du retard parfois, mais rien n'est dans le bon temps et dans le bon moment dans cette bande dessinée-là. Marc-Antoine Mathieu s'amuse beaucoup à jouer avec les codes de la bande dessinée, à jouer avec les cases, jouer avec la temporalité, jouer avec plein de trucs, ce qui fait qu'il fait quasiment une bande dessinée qui est elle-même théorique là. Enfin, il nous a habitués. La BD 30 secondes, il y a une couple d'années qui était assez intéressante au niveau du temps. Mais on dirait que tous ces albums sont toujours justement des expérimentations, des jeux avec les conventions de la BD. Absolument. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et là, avec le Décalage, je trouve qu'il fait sa bande dessinée qui est la plus aboutie, qui est la plus brillante, qui est la plus facile à lire malgré toute cet exercice de style-là qu'il fait, ce quenot de la bande dessinée, là. Et puis, il fait une BD qui est merveilleuse. D'ailleurs, quand on prend, c'est très audacieux. Les éditeurs Delcourt ont été très audacieux aussi, parce que lorsqu'on prend la bande dessinée, il n'y a même pas de page couverture. Oh. La page couverture, c'est déjà une page de BD. Et puis, ce qui arrive dans cette bande dessinée-là, c'est que on doit partir et on doit démarrer cette bande dessinée-là, bien que le personnage principal ne soit pas encore arrivé. Donc, est-ce qu'une bande dessinée sans personnage principal reste une bande dessinée et reste une histoire? Mm-hmm. C'est la question qu'on se pose tout le long. Et puis, et même qu'il y a des moments donnés où les personnages secondaires ne savent absolument plus quoi dire parce que le personnage principal n'est pas là pour les relancer. Oui, donc qu'on a enlevé, dans le fond, le moteur de l'action et donc on essaie de trouver... Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une histoire quand même? Mais l'histoire, on l'a entre les mains, c'est ça qui est fascinant, oui. Bien sûr. Il va arriver le personnage principal à un moment donné, mais complètement en retard, là. Donc, c'est là qu'on va essayer de rattraper le temps de l'histoire pour commencer au début, même si elle commence avec le personnage principal, mm-hmm. mais les autres personnages, eux, sont décalés parce que leur aventure est commencée depuis longtemps. Et ça me fait penser un peu, en fait, au jeu côté théâtre, par exemple, d'un Pirandello avec 6 personnages en quête d'auteur. Donc, le jeu sur des personnages qui se questionnent justement sur leur état de personnage, sur leur rôle dans l'histoire, etc. Ah, c'est extrêmement fascinant. Je pense que s'il y a une BD, là, et c'est pour ça que je l'ai choisie, celle-là, là, s'il y a une BD pour recommencer notre saison de lecture de BD, là, c'est celle-là, puis ça met en place des paramètres de la bande dessinée, une réflexion sur les récits, une réflexion sur les personnages qui sont le moteur du récit, les protagonistes. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors, à découvrir, donc, le Décalage de Marc-Antoine Mathieu. Pas à découvrir, incontournable. À lire, point, en fait. Souligné, voilà. Marqueur. Stéphane Gravel, c'est trop peu long, évidemment. On se dit à très bientôt, en fait, pour un peu plus de temps, un peu plus de titres, et pour continuer de parcourir ensemble des lectures BD. Avec plaisir, et ce sera merveilleux. Excellent. À bientôt, Stéphane. Merci, bye. Bye-bye. Alors nous, on prend une courte pause à venir. Mathieu Place, Iris et Caton. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527-80-97 ou au cpcq.ca. Le 29 septembre, de 9h à 11h, CKRL présente en direct de la ligne de départ sur la 3e avenue son émission spéciale, la course de la cité Limoilou. Plus de 550 adultes et 85 enfants sont déjà inscrits. Animation, ambiance musicale et plaisir au menu de cette matinée mouvementée. Une collaboration du SDC 3e avenue, Spectrum, OX, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. Les bénéfices recueillis iront à 4 organismes communautaires de la 3e avenue. Le Musée de la civilisation a 25 ans. 25 ans à se rapprocher du monde. Pour célébrer, le musée a concocté une programmation culturelle riche sur une variété de thèmes comme le territoire et l'histoire du Québec. Prochainement, le concert « Sur la trace des filles du roi » le 22 septembre avec l'ensemble Terra Nova et le 29 septembre, la conférence de Denis Vaugeois, historien et ministre des Affaires culturelles au moment de la création du musée. Découvrez la saison du 25e anniversaire du Musée de la civilisation au mcq.org et prenez part aux célébrations. La santé vous tient à cœur? Écoutez Santé en direct animé par Joanne Verdon les samedis et dimanches à 8h au 89.1. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Quelques petits rappels web d'abord. En fait, simplement, si vous voulez réécouter des émissions amoureusement, peut-être en tenant votre oreiller, eh bien, c'est possible de le faire à lavieenbd.wordpress.com. Voilà. Le /, c'est sur le blog commentaire, voir.ca/ Raymond Poirier. Et également, on a un Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Alors voilà, c'est dit. Et comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu ce soir, eh ben à chaque début d'automne, on est un peu en mode rattrapage. Veux pas, l'été oblige, eh bien, il y a certains titres qu'on échappe. Et certains de ces titres qu'on échappe, eh bien, on a envie quand même de se donner l'occasion d'en parler. Et c'est le cas de cette liste des choses qui existent, qui a été publiée chez La Pastèque. C'est un livre de Caton et de Iris. Et les deux sont avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, liste des choses qui existent. D'abord, un projet web qui est devenu un projet livre. Qu'est-ce qui avait lancé l'idée du projet de manière générale? Je crois qu'en fait, c'était le désir de faire quelque chose ensemble, de collaborer. Oui, en fait, au début, c'était l'idée de Iris, celle qui m'a contactée en premier, parce que ça a tenté de faire un projet. Je pense qu'elle avait vu... Tu avais vu mon blog, Iris, puis là, tu t'étais dit qu'on devait faire un projet ensemble sous forme de blog. Oui, c'était pas mal ça. J'ai tombé en amour avec ce que tu fais. Oui, puis après ça, c'est ça, l'idée, après ça est venue quand on s'est rencontrés, on en a parlé un peu, puis on a décidé après qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Ben, en fait, aussi, j'avais envie de, comme moi puis Caton, on se connaît, on commence à se connaître maintenant, mais à l'époque, on se connaissait vraiment pas, puis je m'étais dit que ça pourrait être le fun de faire quelque chose qui serait sous forme d'échange. Puis comme sur le blog, il y a beaucoup d'anecdotes de notre vie, de notre enfance, tout ça. Peut-être moins dans le livre, mais en tout cas sur le blog, c'était un peu ça, c'est une espèce d'échange entre moi et Catherine sur des objets spécifiques, mais avec des souvenirs par rapport à ces objets-là. Et justement, faut dire, Iris, c'est déjà le genre de collaboration aussi de blog à quatre mains dont tu avais l'expérience, tu avais fait avec Ziane Losticha, qui est devenu un livre aussi. Donc, est-ce que c'était un peu dans la suite de cette expérience-là que tu avais envie d'essayer avec quelqu'un d'autre, voir comment ça allait se passer? Ou? Ah oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment, vraiment le fun de travailler à deux en bande dessinée. Là. Je pense que c'est pas la dernière collaboration que je vais faire. Là c'est sûr que j'aimerais ça recollaborer avec Ziane et avec Caton. Une collaboration à trois. Puis ouais, donc je pense que c'est une formule qui me convient vraiment bien. Puis j'aime bien travailler toute seule aussi, mais c'est clair que je veux faire d'autres collaborations dans le futur. Et l'idée des objets, elle s'est imposée en cours de route ou c'est au fil d'un brainstorming que vous avez dit, ben faudrait trouver quelque chose, allons-y avec ça? Je pense qu'au début, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on a proposé au début, mais oui, il me semble qu'au tout début, c'était comme on voulait faire ça sous forme d'espèce de petite chronique comme ça, puis après ça, on s'est dit que après ça, l'idée comme d'une liste d'objets s'est comme imposée un peu avec ça, mais ça au début, c'était surtout le fait de vouloir pouvoir faire quelque chose comme c'est ça sous forme de petites notes où est-ce qu'on pouvait se répondre, puis c'est une énumération, ça faisait bien pour ça. Oui, parce que dans le fond, l'idée, c'est de pouvoir se répondre dans les pages ou au fil des épisodes. Donc, l'idée comme ça d'une liste, c'est un peu comme dans l'esprit du feuilleton. Donc, on se renvoie la balle. Exact. Puis, ben, faut dire aussi que, ben, je sais pas si c'est à cause de la liste des choses qui existent. Je me suis comme un peu découvert une passion pour le documentaire. Là, je sais que bon. Ceux qui ont lu le livre me diront c'est pas très documentaire là, il y a très peu d'informations vraies, mais si je me trompe pas, je pense que Catherine aime bien ça aussi. Là, ouais. On écoute toutes les deux beaucoup découvertes là sur les animaux là. Puis en tout cas moi c'est un style ou en tout cas une façon de communiquer que j'aimerais bien exploiter encore plus dans le futur. Mais ça, puis il y a aussi Catherine, elle m'avait avoué quand on s'est rencontrés qu'elle trippait pas mal sur les livres. J'aime bien le dire en entrevue parce que... Oui, t'arrêtes pas de révéler mon secret. Oui, c'est sombre. Mais je fais une grosse collection de listes d'épicerie, j'en ai comme 300 chez nous, c'est un peu gênant, mais bon. Et en même temps, ben, en fait, t'amènes quand même un point intéressant qui ressort du livre. L'idée, justement, que la plupart de l'information, il y a une bonne partie de l'information qui est fausse. Il y a de l'information qui semble fausse, mais qui est vraie aussi à travers ça. Donc, il y a un peu un jeu entre les niveaux de réalité par moment aussi, quand justement on énonce des faits par rapport aux différents objets. Mm-hmm. Ben, c'est en fait, quand on se renseigne sur l'histoire de certains objets, comme tu le dis très bien, des fois, ça a l'air tellement invraisemblable, mais c'est vrai. Là. Surtout, moi, en tout cas, ce qui m'a frappé en faisant la recherche pour ce livre-là, c'est le Moyen Âge. Le monde était tellement cave au Moyen Âge. C'est vraiment fou. Là. En tout cas, des fois, ça a l'air faux, mais c'est vrai, effectivement. Donc, je trouvais ça intéressant de donner le défi aux gens de peut-être soit aller se renseigner eux-mêmes après avoir lu le livre pour voir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux, ou juste simplement... de croire à ce qu'on a écrit, puis arriver dans un souper de famille, puis dire « Hey, vous savez pas que telle affaire, puis c'est pas vrai. » Et à l'intérieur de ça, en fait, vous avez chacun choisi 9 objets, puis ensuite, l'idée, c'était de voir un peu comment l'autre allait suivre vos interprétations. Comment ça marchait un peu, la création de l'album? Bien, en fait, c'est ça. Quand on travaillait sur le blog, c'était vraiment plus un jeu de discussion, c'est-à-dire qu'on commençait avec un objet, puis après ça, l'autre répondait sur le même objet. Sauf que pour le livre, c'était quand même un petit peu plus compliqué à gérer, comme on pouvait pas nécessairement travailler ensemble tout le temps, je veux dire ensemble dans la même pièce, mettons. Fait que on s'est divisé les 9 objets chacun au début. On a fait un brainstorm de quel objet on voulait qu'il soit dans le livre, tout ça. Puis après ça, on pouvait travailler chacune de notre côté sur nos objets. Mais c'est ça, ce qui est devenu le fun, c'est qu'après ça, on pouvait se faire dire des choses. On dessinait chacun les deux personnages, puis on fait se faire dire des choses sans le consentement de l'autre. D'ailleurs, ça a un peu ça a évolué par soi-même là, quand on a fait le livre, mais on s'est un peu créé des personnalités en tant que personnage dans le livre. Là. Comme moi, je suis celle qui est tout le temps super extrême, puis qui aime les fusils, puis la violence. Puis Catherine, elle pleure tout le temps, puis comme un gros bébé lala. En fait, la sadique, elle a pleurnicharde. Oui, exact. Et justement, là-dedans... j'imagine si on dessine l'autre et si on se partage la tâche dessin autant que la tâche scénario, faut quand même réussir à fondre des styles un peu pour pas qu'à la lecture justement on braque sur le ah mon Dieu là si on vient de changer de dessinateur ou. Mais moi ça m'a vraiment surpris à quel point quand je montre le livre aux autres, quand j'entends leur feedback, des fois les gens sont comme surpris quand je leur dis ça c'est le dessin d'Iris, ça c'est mon dessin. On dirait que il y a beaucoup, beaucoup de monde qui font pas la différence même entre nos deux dessins ou entre nos deux styles. Moi, j'ai l'impression que c'est comme évident, mais je sais pas. Ben, déjà que dans le studio, quand je travaillais avec Ziane, moi, je trouve que moi et Ziane, on a vraiment des styles différents. Encore plus, ouais. Puis les gens, encore là, font pas la différence. Puis avec Catherine, moi puis Catherine, je trouve qu'on a des styles qui se rapprochent beaucoup plus l'un de l'autre. Là. Mm-hmm. Fait que selon moi, à part que Catherine dessine peut-être un peu plus gros puis plus aéré, là, mais comme elle dit si bien, je pense que les gens s'en rendent pas vraiment compte, ou du moins les gens qui sont pas des dessinateurs eux-mêmes, là, ouais. Le public général, là, s'en rend pas vraiment compte. Puis même au niveau de l'humour, je pense que c'est super compatible aussi, fait qu'il y a même pas une différence de ton ou comme c'est assez semblable. Et tout ça dans un contexte aussi où, comme tu l'as dit, vous vous mettez en scène des avatars de vous-même, et ça permet aussi, j'imagine, d'apporter au niveau narratif, ça facilite un peu la présentation des épisodes. Est-ce que c'est un peu pour une raison narrative qu'on a choisi de se mettre en scène comme ça là-dedans, ou c'est pour c'est venu en fait tout simplement comme ça? Je pense que ça a été assez instinctif. Ben, j'ai l'impression que moi, avant de faire ça, ben Iris aussi, ben peut-être il y a plus longtemps, mais on était plus peut-être, je pense que j'ai commencé plus en faisant l'autobiographie peut-être, puis on était déjà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment venu de tout seul. Je pense que c'est venu du blog, parce que comme je disais tout à l'heure, dans le blog, on se mettait beaucoup plus en scène dans des anecdotes de notre vie, mm-hmm. puis on a un peu gardé cette idée-là pour le livre, puis ça fonctionne assez bien, mais tu sais, dans le fond, là, dans le livre, je pense que c'est comme tu le dis, c'est des avatars de nous-mêmes. On aurait pu mettre des personnages fictifs, ça aurait aussi bien fonctionné. Mm-hmm. Mais je pense qu'on s'est pas trop posé la question. On a juste pris la même formule que le blog. Puis c'est assez rigolo. Moi, j'aime bien me mettre en scène comme un personnage que je suis pas vraiment, là, comme j'aime pas les fusils pour de vrai, je vous l'avoue. Moi, je suis pas végétarienne pour vrai. Et en même temps, dans le cas des fusils, ce qui est agréable, c'est que ça permet aussi justement un débat qui est, bon, vous nous dites fictif, mais on peut toujours en douter, évidemment, puisqu'on a peut-être des références sur le web de l'amour d'Iris pour les armes. Mais, non, si on parlerait de Facebook. Là. mais d'une manière ou d'une autre, ça permet aussi de débattre, d'amener d'autres types de commentaires là-dedans. En fait, j'ai l'impression que ça apporte aux épisodes. Je pense pas que c'était qu'on veut vraiment faire des commentaires sur des sujets d'actualité ou effectivement, je pense que ça fait juste comment je pourrais dire ça, comme un dialogue où est-ce qu'il y a deux personnages qui n'ont pas le même avis, puis ça rend un petit peu la chose intéressante. Ça fait qu'on s'éloigne. En fait, ça apporte on reste dans le documentaire, mais on explore un peu d'autres avenues, d'autres mécaniques peut-être un peu à l'intérieur de ça. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est vrai que les personnages, ils ne font pas que se contenter de parler de l'objet techniquement, là. C'est vrai qu'ils donnent leur avis, puis c'est vrai que ça peut. Ouais, ça rend peut-être la chose un petit peu plus vivante des fois que juste. C'est pas juste encyclopédique. Quand il arrive comme un point où est-ce qu'on diverge sur un sujet ou quelque chose, ça devient. Ça fait une petite. Oui, en fait, vous avez une opinion sur l'objet. En fait, vous l'aimez pas. Vous avez un coloc ou un enfant quelconque qui a réagi avec cette. Donc, il y a une mémoire, en fait, aux objets ou du conte. Mm-hmm. Puis, ça, faut dire aussi que dans le livre, il y a quand même quelques anecdotes de notre quotidien ou de nos enfances ou tout ça. Là. On n'a pas complètement exclu ça du livre, mais c'est juste qu'il y en a moins que sur le blog. Et donc, est-ce qu'on prévoit en fait aussi une liste 2, la suite? On aimerait ça. On aimerait beaucoup ça. Pour le moment, on est pas mal sur d'autres projets, Catherine et moi, séparément, mais c'est clair que je pense que toutes les deux, on a très envie, puis je pense que la pastèque sont intéressés aussi à faire un tome 2. Oui, bien surtout en fait qui ont lancé une nouvelle collection donc dédiée à des ouvrages faussement pratiques. Donc, Pomelo, la liste des choses qui existent était le premier. On imagine qu'il pourrait avoir d'autres itérations. On pense à des fanzines que vous avez fait dans le passé. Le bestiaire des fruits, je pense que c'était Viviane qui avait fait ça. Oui. Donc, c'est le genre d'ouvrage qu'on pourrait voir éventuellement dans des collections comme ça. Oui, ben, je sais pas si on a le droit de le dire, mais en tout cas. Sûrement. Oui, ben, en tout cas, le bestiaire des fruits va être le deuxième tome de. Ben, pas le deuxième tome, mais le deuxième Pomelo. Là. Oh. Je sais pas si, en tout cas, c'était secret, mais ça ne l'est plus. Mais je sais pas, l'autre fois aussi, Iris, tu disais ça, mais moi aussi, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça. On dirait que depuis cette collection-là existe, je sais qu'elle est là, puis on dirait que ça fait que j'ai plein d'idées de livres qui pourraient éventuellement fitter là-dedans. Là. Je trouve que c'est vraiment un bon thème. Là, qui vraiment. On aura plein de fausses, vraies anecdotes à raconter. Ouais. Iris, Caton, merci à vous deux. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir. Alors voilà donc Iris Caton, auteur de la liste des choses qui existent. C'est à la pastèque. On part en musique, toujours avec notre musique punk à saveur 8 bits, et on revient avec Mathieu Place. Et dernière ligne droite pour La Vie en BD. On a le plaisir de retrouver, et c'est plusieurs retrouvailles au fil des semaines de l'automne, évidemment, avec nos collaborateurs réguliers. Et c'est le cas de celui qu'on retrouve ce soir, Mathieu Place, bonjour. Salut Raymond, salut tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Content d'être de retour. Et toujours pour te consacrer justement à l'univers de la BD anglophone. Mm-hmm. Et cette semaine, tu as déjà quelques ouvrages. Il y en a un immense d'ailleurs qui est ouvert devant toi. Mm-hmm. Format journal. Oui. Ben, en fait, je vais parler de trois grands classiques de la bande dessinée. En fait, pour la plupart, c'est des rééditions. Alors, je suis allé dans les vieux classiques là, de la bande dessinée. Alors, le premier dont je voulais vous parler, c'est nul autre que Little Nemo de Winsor McCay. Alors, en parlant de la bande dessinée anglophone, faut pas manquer Little Nemo de Winsor McCay, qui est un des très grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée. Puis, regardez, je vais avoir beaucoup de superlatifs là, pendant que je vais parler de celui-là, mais ça mérite tous ces superlatifs. Et je seconde, en fait, les superlatifs sont très, très mérités. Ah oui, c'est absolument hallucinant. Ben, déjà, c'est que c'est une bande dessinée qui a été faite au début du 20e siècle. Alors, c'est vraiment une des premières bandes dessinées. Alors, tout ce qu'on voit à l'intérieur de cette bande dessinée, toutes les inventions au niveau de la bande dessinée, eh bien, la plupart d'entre elles, c'est Winsor McCay lui-même, l'auteur de Little Nemo, qui les a instigées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une très longue histoire de la bande dessinée à ce moment-là, mais déjà, on voit un des premiers chefs-d'œuvre, un des premiers génies de la bande dessinée qui est à l'œuvre. En fait, l'histoire de Little Nemo, c'est en fait, une histoire qui se répète de page en page. C'est sur une seule page qui était parue dans les journaux, dans un journal new-yorkais à chaque semaine. Eh bien, on a un rêve de Little Nemo. Et Little Nemo se voyage dans Slumberland, le monde des rêves. Et il vit toutes sortes d'aventures. Et à la fin de la page en question, eh bien, il se réveille. Et puis, bon, il retrouve le monde des humains à ce moment-là. Alors, le monde des humains, des humains de la réalité, entre guillemets, est vraiment pas présent. On est constamment imprégné dans le monde des rêves. Alors, c'est vraiment fascinant parce que déjà, on a le côté graphique qui est vraiment hallucinant. Le côté graphique, ça se ressemble beaucoup à tout ce qui était art nouveau à l'époque. Là. Tout ce qui était art nouveau dans l'architecture, dans le dessin. Alors, très décoratif, avec beaucoup de frioritures, du dessin très précis, mais avec beaucoup de détails et puis beaucoup d'inventions dans le dessin. Mmh. On a un dessin, justement, qui est très maîtrisé. On a l'impression que le dessinateur a beaucoup de facilité à faire ce dessin-là, mais on a des représentations d'architecture, de châteaux, de villes imaginaires incroyables, et avec beaucoup de détails. Et avec beaucoup de détails, et tout ça dans un récit qui n'est pas nécessairement d'une grande simplicité non plus. Je veux dire, on joue avec le dessin dans la case, mais on joue aussi avec la structure des cases dans la planche. Je veux dire, c'est quand même assez éclaté pour de la BD qui a presque quoi, 90 ans? Ben, c'est ça, exactement. C'est ce qui est étonnant, parce que là, aujourd'hui, avec toutes les expérimentations en bande dessinée qu'il y a eu depuis 100 ans, et surtout dans les années 70, etc., il y a eu beaucoup d'expérimentations. Par exemple, si on pense à Philémon, que peut-être les auditeurs connaissent, eh bien, vous pouvez imaginer une bande dessinée avec beaucoup d'inventions où les personnages peuvent sortir des cases, où les cases elles-mêmes entrent en ligne de compte dans la narration de l'histoire. Et puis, dans les Little Nemo, on retrouve ces jeux-là. On retrouve des personnages, justement, qui sortent des cases, des personnages... par exemple, on dessine un éléphant là, dans les cases. Eh bien, l'éléphant va sortir de la case, va faire grossir la case. Par exemple, on a des champignons, à un moment donné, qui envahissent la bande dessinée. Eh bien, ils sortent des cases, ils envahissent toute la page, ils virent fou. En fait, les conventions étaient presque pas établies et déjà, on s'amusait à jouer avec elles. Ben, c'est ça, exactement. Fait que... Justement, on avait parlé de Crumb plusieurs fois là, dans les dernières chroniques. Eh bien, Crumb considère justement Winsor McCay comme un des premiers génies de cette bande dessinée-là. Alors bon, pour faire des références là, visuelles à ceux qui veulent imaginer un peu à quoi ça ressemble, bon, vous avez peut-être vu le fameux vidéoclip des Smashing Pumpkins qui s'inspire de On a marché sur la lune, là, l'histoire de... Bon, le vidéoclip, c'est le vidéoclip de la chanson Tonight, Tonight. Bon, Allez chercher ça sur Internet si vous n'avez pas une image en tête. Eh bien, c'est cet univers-là, l'univers lyrique imaginé d'un rêve qui se trouverait à être rêvé au début du 20e siècle. À l'époque, on s'intéressait beaucoup à ça en art. On avait les écrits de Freud là, qui faisaient beaucoup de tapage à l'époque, au début du siècle. Et bon, Freud s'intéressait beaucoup au rêve, au côté refoulé de la psychologie humaine. Et puis bon, on est en train de découvrir que la conscience humaine, ben c'était pas tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on connaissait dans la vie de tous les jours. Alors justement, Winsor McCay, avec Little Nemo, en fait une exploration de ce côté-là. Alors on a beaucoup de mondes incroyables où la moralité est pas la même qu'ici. Hein. C'est très variable. Little Nemo des fois fait des gaffes sans savoir. C'est assez étrange. Mais en fait, la ligne peut-être au niveau de style de narration, ça m'a beaucoup fait penser quand je l'avais lu à Alice au Pays des Merveilles à certains égards, dans la mesure où c'est le genre de récit où on s'imagine au départ que c'est des trucs pour enfants. Oui, les enfants peuvent le lire, mais plus on vieillit, plus on apprécie justement aussi tout ce qui est autour de ce type de récit-là qui dépasse largement la définition de littérature jeunesse ou de littérature pour ados même. Oui, c'est un beau mélange que peu d'artistes ont réussi à faire, c'est-à-dire de faire un livre qui est lisible pour les enfants mais qui est quand même assez intéressant pour les adultes, là, les parents qui peuvent le lire par la suite. Parce que là-dessus, un peu comme Alice, il y a eu des adaptations en dessin animé, il y a eu des jeux vidéo sur Little Nemo, donc oui. Et ça, on est des années 80, là. C'est publié en 1920, donc ça montre, je pense, à quel point cet ouvrage-là est riche et il a réussi à traverser les époques. En fait, c'est presque miraculeux parce qu'à l'époque, c'était somme toute plus ou moins populaire. C'est-à-dire que c'était une bande dessinée qui passait dans les journaux, comme n'importe quelle bande dessinée. Les gens l'appréciaient à peu près, là, sans trop d'émerveillement par rapport à ça. Et puis bon, finalement, à un moment donné, l'histoire de Little Nemo est devenue moins populaire. Alors, les journaux ont arrêté de le publier. Et puis, toutes les planches originales devaient être envoyées à l'auteur une fois qu'elles étaient utilisées par les imprimeurs. Et puis, ces planches-là, bon, finalement, ont été détruites dans un feu à la fin des années 30. Et puis, les planches qui restaient, bon, ils ont donné à leur... Bon, Winsor McCay les a léguées à son fils. Son fils a eu des problèmes d'argent. Il en a vendu une part qui ont disparu dans la brume à un moment donné. Et il nous reste quelques planches. Et puis, ces planches-là, en fait, sont pour la plupart la propriété des descendants qui restent. Alors, c'est une espèce de trésor qui a été redécouvert dans les années 60-70 quand, justement, on s'intéressait à cette expérimentation-là et puis qu'on a pu retrouver, justement, là, ces planches-là. Oui, il faut prendre conscience de ce qu'on avait perdu aussi en ne protégeant pas cet outil-là. Mais c'est le cas. Malheureusement, on dirait qu'on avait moins d'outils et de moyens de conservation. Il y a ça. Puis il y a aussi une espèce de période de temps juste après qu'une œuvre soit créée où l'œuvre est comme banale parce que ça vient juste d'apparaître et puis on n'a pas encore de recul pour se rendre compte que c'est spécial puis c'est exceptionnel. On se dit, bon, ben, c'est une autre bande dessinée parmi tant d'autres, mais finalement, c'est plus tard qu'on se rend compte de la perte. Mais en tout cas, allez voir ça si jamais vous êtes... juste pour le côté graphique, là, ça vaut la peine d'être visionné et lu. Ben, en fait, je pense qu'on peut y aller même plus fortement, Mathieu Place. Si on aime la BD, il faut donner une chance à Little Nemo. Oui, exactement. Oui. Minimalement lui donner une chance. C'est ça, c'est un des premiers chefs-d'œuvre. Hey, il nous reste 2 minutes à peu près, Mathieu. Oui. Peut-être un petit clin d'œil avant de se laisser. Oui, ben en fait, j'aimerais vous parler de 2 autres bandes dessinées qui ont été rééditées récemment avec des très belles éditions. Alors, par exemple, vous avez Moomin. Alors, pour ceux qui connaissent pas Moomin, c'est une bande dessinée scandinave. Ça a été réédité par Drawn and Quarterly, nos amis de Montréal, dans une très belle édition là, qui a vraiment... on sent qu'il y a beaucoup d'amour qui a été mis dans cette édition-là. Moomin, c'est l'histoire d'une famille de créatures un peu étranges, style Barbapapa... animal, bon, scandinave, et le dessin est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un style graphique très scandinave là, en tant que tel. Alors, les Moomins se promènent dans la géographie de la Scandinavie, ils font du ski, ils essaient d'hiberner, finalement, ils réussissent pas à hiberner. C'est des personnages attachants, et puis bon, c'est un peu enfantin comme traitement de l'histoire, mais si vous voulez vous plonger dans une bande dessinée qui est justement très charmante et puis qui vous plonge dans un monde de l'enfance, ça peut être une très belle découverte. Alors, Moomin, c'est un des grands classiques de la bande dessinée scandinave, réédité à Drawn and Quarterly. Et vous avez aussi Crazy Cat, qui est un des grands classiques, justement, un des contemporains de Little Nemo, qui a été réédité par Fantagraphic de Seattle. C'est une très belle réédition, et puis ça met en lumière là, un autre des grands classiques de la bande dessinée. C'est une bande dessinée plus intellectuelle qui a été appréciée de son temps, mais c'est surtout Monsieur Hearst, le grand magna de l'édition de l'époque, en fait, qui a inspiré justement Citizen Kane. Et dont on peut par visiter le château assez loufoque. Oui, exactement. Alors, c'est lui qui a mis Crazy Cat de l'avant, parce que les éditeurs ne voulaient pas de Crazy Cat. C'était une bande dessinée dadaïste où on a un chat qui court après un autre chat, qui lance des briques par la tête. Pendant pas mal toute la bande dessinée, toute l'œuvre de la bande dessinée, c'est surtout cette histoire-là. Mais c'est traité d'une manière assez poétique, assez étrange. Et puis, Monsieur Hearst, lui, avait vraiment accroché à ça. Et puis, c'est lui qui a fait pousser cette bande dessinée-là. Et encore une fois, comme Little Nemo, c'est plus tard qu'on a redécouvert la poésie puis l'inventivité de cette bande dessinée-là des débuts. C'est peut-être en fait le lot des gens qui sont un peu trop à l'avant-garde. Ouais, c'est ce qu'on se dit des fois. Hein. Ils étaient comme là avant tout le monde, ils ont tout compris, puis c'est plus tard qu'on s'en rend compte. Mathieu Place, donc on a parlé des Moomins, on a parlé de Little Nemo in Slumberland et on a parlé de Crazy Cat. Et nous, on se dit au mois prochain. À bientôt. Merci. Bye. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine de La Vie en BD. La semaine prochaine, on aura le plaisir de discuter avec Samuel Quentin, avec Francis Desharnais, avec Caroline Allard et plusieurs autres. Alors, c'est un rendez-vous. C'était Raymond Poirier au micro et je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur les ondes du 89.1.